sens comme une ombre sur moi, un mirage gris, à qui m'enlève les joies que nous donne la vie, pour me laisser seul dans la nuit. Quand arrivent les premiers samedis de chaque mois, je me sens mieux car c'est le jour de paye. Je vais chez le patron prendre ce qu'il me doit, comme excuse il me bégaye. Eh oui, je sens comme une ombre sur moi, un mirage gris, à qui m'enlève les joies que nous donne la vie, pour me laisser seul dans la nuit. Je gagne ma vie à la sueur de mon front, je travaille à longueur de journée. Pourtant sans façon sur ma tête s'en vient cette ombre pour me troubler. Alors si je n'avais pas le secours de tout mon amour, je ne sais pas vraiment ce que je deviendrais sans sa main pour me guider. Eh oui, je sens comme une ombre sur moi, un mirage gris, à qui m'enlève les joies que nous donne la vie, pour me laisser seul dans la nuit. Comme une ombre je le vois, ce vieux mirage gris, où que j'aille il me poursuit. Depuis mes premiers jours je l'ai toujours vu là, vraiment la chance n'est pas pour moi. Et un de ces jours quand je serai mort, alors il deviendra plus gris. Il sera là pour juger de mon sort et me chasser loin du paradis. Eh oui, je sens comme une ombre sur moi, un mirage gris, à qui m'enlève les joies que nous donne la vie, pour me laisser seul dans la nuit.